بسم الله الرحمن الرحيم. سنخوض المسألة 40. 40 مسألة في قول الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه قال يا ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. Donc dans la 40e mas'ala, que là, Allah Azza wa Jal, dans le sens, il dit que de là, Zakaria a invoqué son Seigneur en disant « Ô Seigneur, accorde-moi de ta part une bonne descendance. » Al-Imran, verset 38. « هذه الآية تدل على أن زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليس عنده شك في قدرة الله على أن يرزقه الولد على ما كان منه من كبر السن. » وقد جاء في آية أخرى ما يوهم خلاف ذلك وهي قوله تعالى قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. Donc là, ce verset, dans son apparence, laisse entendre que Zakaria, Ali, wala nabina, ahfadal salawat, wa salam, n'a aucun doute dans le fait que Allah puisse lui accorder un enfant, malgré son grand âge. Et dans d'autres versets, un autre verset est venu, justement, l'opposé de cela. Dans sa parole, dans le sens où Allah dit, lorsque Zakaria l'a parlé, il a dit « Seigneur, comment pourrais-je donc avoir un enfant alors que je suis déjà âgé et que ma femme est stérile ?» Dans Surat Al-Imran, verset 40. Et dans le même sens qui est dans Surat Maryam. « Qala al-jawabu anna hadha bi umur » Donc, on va répondre à cela par plusieurs points. « Al-awwalu ma akharajahu ibn Jalir an Iqlima » والصد من أن زكريا لما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى قال له الشيطان ليس هذا نداء الملائكة وإنما هو نداء الشيطان. Donc première réponse par rapport à ce que sorti a rapporté l'imam Ibn Jarir selon Ikrimah et Wasuddi que Zakaria lorsqu'il a les anges l'ont appelé alors qu'il faisait salat dans le mihrab dans la parole dans le sens où il dit que Allah t'annonce Yahya, la venue de Yahya, Al-Imran, verset 39. Shaitan a dit à Zakaria, cet appel-là n'est pas l'appel des malaïkas, c'est juste l'appel de Shaitan. Fada khala Zakaria al-shak, fi anna nida'a min al-shaitan, fa qala inna thalika al-shak, anna shi'an waswasati shaitan, qabla an yatayakkan anna min Allah, anna yakunu li ghulam. ولذا طلب الآية من الله الآية من الله على ذلك بقوله ربي اجعل لي آية. Donc de là, le doute a atteint Zakaria de en fait, est-ce que cet appel provenait de Shaitan ou venait d'Allah Azzawajal? C'est pour cela qu'il a dit, cette waswasa par rapport à celle-ci, avant qu'il ne soit sûr que cela venait d'Allah Azzawajal, il a dit, comment pourrais-je donc avoir un enfant? Surat Al-Imran, verset 40. Et c'est pour cela qu'il a demandé à son Seigneur un signe, pour démontrer que cela venait bien de lui. Lorsqu'il a dit, ô Seigneur, accorde-moi un signe. Toujours dans Al-Imran, verset 41. Donc le premier, c'était cela. Première réponse, c'est que le verset disant ou laissant entendre que Zakaria a douté, c'est du fait qu'il a eu un waswasa de Shaitan. Thania, an istifhamahu, istifham, isti'alam, isti'akbar, liannahu la yadri, hel Allahu yatihi bil walad min zawjihi al-ajouz, am ya'muruhu an tazawwaj shabatan ou yarudduhuma shabbayn. Donc deuxième réponse, c'est que cette interrogation provenant de Zakaria, c'est à propos de savoir le comment que cela va se produire. Le comment, c'est-à-dire, il ne sait pas est-ce que Allah Azzawajal va lui accorder cet enfant avec la femme qu'il a actuellement, qui elle-même est une femme âgée, ou bien alors il va lui ordonner de se marier avec une femme jeune, ou alors qu'il va les faire revenir tous les deux, c'est-à-dire lui, Zakaria et sa femme, à la jeunesse. Car sa femme était stérile, due à son grand âge. Wa thalith, annahu istifhamu isti'azam wa ta'ajjubin min kamal. Qudratillahi ta'ala, wallahu ta'ala a'lam. Et troisième, c'est une question d'étonnement. Et non pas une seule à laquelle on entend une réponse, mais par rapport au ta'zim d'Allah Azza wa Jal. Une chose qui le surprend. D'accord? Qui le surprend, tout en sachant que il savait très bien que Allah Azza wa Jal était capable de faire cette chose-là. Donc ça, c'est istifham, isti'azam, wa ta'ajjub. C'est-à-dire qu'il était surpris de la perfection de la capacité d'Allah Azza wa Jal à pouvoir faire cela. Et il n'a pas douté un seul instant. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Donc de là s'achève cette mas'ala. Walhamdulillah rabbil alamin.